Ce matin, le ciel ne descend pas, ta muse n'est pas là. Cette nuit, la grande ours ne t'a pas apporté le cadeau de ses sources. Rien n'est à t'apporter, le torrent de la vie est de l'autre côté. Toi de ce côté-ci, tu ne sécrètes rien, n'écris rien ce matin. N'écris rien ce matin, toute sève s'en va, les muses rient de toi. L'aube sans pulsation ne te livre aucun don et nulle migration. Tout s'échappe à ta vue, se disperse ou s'efface, s'éloigne à ta venue. Loin de tous oripeaux, mets ta plume au repos, n'écris rien ce matin. Ce matin, va-t'en libre de tout, libre de t'attacher. Au nuage, à l'oiseau, à l'onde du ruisseau, va libre ce matin. Laisse tout et va-t'en, tout comme va le temps, va-t'en libre, allez, va. Retrouver ce matin la candeur du chemin, tu écriras demain.